Chapitre 4. Jusque-là, madame, je n'avais jamais eu l'ombre d'un regret ni d'un remords. À partir de cette fatale journée, je n'eus pas un moment de repos intérieur. Je voyais mon bonheur détruit, mon mari perdu, et, ce qui était pire encore, je n'avais même pas la consolation d'une bonne conscience. Ma vie était gâtée, je le voyais, je le sentais, et quoique personne ne le sût, excepté Bernard, je n'osais lever les yeux sur personne. Il me semblait qu'on y aurait lu ce que je voulais me cacher à moi-même. Enfin, je commençais à avoir honte de moi-même. Avoir honte, madame, n'est-ce pas le pire tourment qu'on puisse souffrir en ce monde? Cette douleur était d'autant plus vive que Bernard, son père et sa mère, étant sans asile à cause de l'incendie de leur maison, furent obligés de venir habiter pendant quelque temps dans celle de mon père, et que je me trouvais tous les jours, matin et soir, en face de Bernard. Moi, si vive autrefois, si gai, je me sentais triste à tout moment, et je ne disais pas trois paroles par jour. Mon père lui-même finit par s'en étonner, et par en chercher la cause, car il voyait bien qu'il y avait au fond de ce silence quelque chose de plus que la tristesse de voir partir Bernard. Il me fit plusieurs questions, mais je n'osais répondre, je n'osais surtout lui dire la vérité. Et d'ailleurs, quel remède ? Ce qui vous étonnera peut-être, c'est que Bernard lui-même paraissait presque aussi confus que moi, de la faute que nous avions commise. Soit qu'il commençât d'en craindre les suites, soit qu'il devinât ma tristesse et ma honte, et qu'il se reprochât d'en être cause, soit enfin qu'il fût entièrement occupé de l'idée de partir et de me quitter peut-être pour toujours. Il reprit avec moi le ton et les manières d'un frère, comme auparavant. Enfin il reçut l'ordre de partir et de rejoindre son régiment. Cette nouvelle que nous attendions tous les jours fut cependant pour nous comme le coup de la mort. Sa vieille mère poussait des cris déchirants. « Ah, malheureuse !» disait-elle, « c'est moi qui l'égorge et qui le tue. C'est moi qui ai brûlé la maison. C'est moi qui envoie mon fils à la mort. » Et s'adressant à son mari, « C'est ta faute aussi, vieux fou, vieux propre à rien, qui ne pense tout le long du jour qu'à boire, manger, dormir et te promener. Tu avais bien besoin d'inventer cette promenade de Saint-Sulpice et ses dîners et de courir les cabarets, et de vider les bouteilles, et de danser comme un pantin à ton âge. Quand on pense qu'il y a 55 ans, l'âge de Mathusalem, et que monsieur veut encore danser dans les prés avec toutes les filles du canton, sans cœur va. » « Ma femme, dit le vieux Bernard, je n'ai que 53 ans. »« 53 ou 70, n'est-ce pas la même chose, vieux sans cervelle, vieux mange tout. » « Et pauvre mère, dit Bernard. » « Tais-toi, dit-elle, ce n'est pas à toi de m'apprendre à parler. Je ne suis pas encore folle, n'est-ce pas, ni imbécile pour recevoir des conseils de mes enfants. » « Allons, voisine, interrompit mon père. Et vous aussi, vieux sans souci, qui avez toujours la pipe à la bouche, et qui avez fait mourir votre femme de chagrin, faut-il encore que vous veniez vous mêler des affaires de tout le monde ? C'est assez d'avoir renversé votre soupe, voyez-vous. Il ne faut pas venir encore cracher dans celle des autres. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus riches comme auparavant qu'il faut croire que vous me ferez la loi. Pauvreté n'est pas vice, voyez-vous, vieux sans souci, et les Bernards ont toujours eu la tête près du bonnet. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une fille ici, et que Bernard n'en trouverait pas d'autre à épouser. Car pour les filles, nous en avons, Dieu merci, par douzaines, et, toute brûlée qu'est ma maison, Bernard n'est pas encore un parti à dédaigner. Et je connais des filles d'huissier qui s'en lécheraient les doigts bien volontiers, mais il n'est pas fait pour leur nez. » À ces mots, mon père se mit à bourrer tranquillement sa pipe, en faisant signe du coin de l'œil au père Bernard. « Oui, oui, j'entends bien vos signes, vieux sans cœur, vieux sans souci, dit-elle. Vous avez l'air de dire à Bernard, laisse couler l'eau, ou autant en emporte le vent, car vous vous entendez tous entre hommes comme la ronce en foire. Au lieu de pleurer comme moi, mon pauvre Bernard, et de le tirer d'embarras et du service militaire, vous fumez là vos pipes comme des vanupiers. Eh bien, c'est moi qui le sauverai, moi sa mère. Comment ? Dit le vieux Bernard. J'irai chez le maire, j'irai chez le sous-préfet, j'irai chez le préfet, chez le général, s'il le faut, mais je ne laisserai pas emmener mon enfant, car ils vont me l'emmener et me le faire tuer en Afrique, pour sûr. Va, dit le père. Oui, va, c'est bientôt dit. Et comment veux-tu que j'aille ? Est-ce que je les connais, moi, ces gens-là et ces seigneurs ? Mais tu me laisses toujours la besogne sur le dos, grand feignant, et tu engraisses là au coin du feu, les mains dans les poches, pendant que je trotte et que je cours par les chemins, sous la pluie, le vent et la neige, cherchant le pain de la famille. Alors n'y va pas, reprit le vieux Bernard. Oui, n'y va pas, et si je n'y vais pas, qui donc ira ? Est-ce toi, vieille poule mouillée, homme de carton, bœuf au pâturage ? Et tu auras le cœur et le front de laisser partir notre enfant, notre dernier enfant, le seul qui nous soit resté de quatre que j'ai nourri ? Pauvre Bernard, pauvre ami, soutien de ma vieillesse, qui donc t'aimera, puisque ton père te jette là, au coin de la borne, comme une vieille casquette ?» Les deux hommes se levèrent et allèrent s'asseoir sur un banc devant la porte pour fumer tranquillement leur pipe. Mais leur tranquillité ne fit qu'irriter davantage la pauvre femme, qui se mit à dire que tout le monde l'abandonnait, qu'elle le voyait bien, qu'on ne lui parlait même plus, qu'elle était bonne à porter en terre, que le plus tôt serait le meilleur, et qui finalement fondit en larmes et embrassa Bernard en sanglotant pendant plus d'une heure. À ce moment, les forces lui manquèrent. Elle se jeta sur son lit et s'endormit. C'était le moment que nous attendions, Bernard et moi, sans nous le dire. Nos pères étaient rentrés et s'étaient couchés aussi, car le chagrin même ne pouvait pas leur faire oublier le travail du lendemain. Et les pauvres gens, par bonheur, ont trop d'affaires pour se lamenter éternellement, comme ceux qui ont des rentes et du loisir. Je menai Bernard dans ma chambre. Il s'assit sur la table et moi sur une chaise à côté de lui. « Si vous trouvez, madame, que c'était une démarche bien hardie, il faut penser que cette entrevue était la dernière, que nous ne devions pas nous retrouver avant 7 ans, que nous avions 1000 choses à nous dire, pour lesquelles il ne fallait pas de témoins, et qu'enfin je lui avais, par bonheur, donné des droits sur moi. Au reste, il n'était pas disposé à en abuser ce soir-là, car nous nous sentions tous deux le cœur serré, et nous retenions à peine nos larmes. « Rose, ma chère Rose, me dit-il, dès que nous fûmes assis, c'est la dernière fois que je te parle. Il ne faut pas que tu me caches rien. M'aimes-tu comme je t'aime et comme je t'aimerai toujours? M'aimes-tu assez pour attendre mon retour sans inquiétude et de me jurer de ne pas te marier et de n'écouter les discours de personne pendant tout ce longtemps? Dis, m'aimes-tu assez pour cela? » Tout en parlant, il serrait mes mains dans les siennes avec une force et une tendresse extraordinaires. « Oui, je t'aime assez pour t'aimer éternellement, dis-je à mon tour. » « Pense, reprit-il, que j'ai 20 ans aujourd'hui, et que j'en aurai 27, et toi 24 à mon retour. Pense que ce temps est bien long, qu'il viendra peut-être beaucoup de gens pour te regarder dans les yeux, pour te dire que tu es belle, que je suis loin et que je ne reviendrai jamais. Pense. » « J'ai pensé à tout, lui dis-je. Mais toi, veux-tu jurer de m'être toujours fidèle, d'avoir en moi une confiance entière, non pas seulement aujourd'hui, ni demain, mais tous les jours de l'année, et dans 2 ans, et dans 10 ans, et durant la vie entière ? Veux-tu jurer de ne croire personne avant moi, quelque chose qu'on puisse te dire de ma conduite, quelques paroles qu'on puisse te rapporter ? Je le jure. Pense à mon tour qu'il est bien facile de dire du mal d'une honnête fille, qu'il ne faut qu'un mot d'une mauvaise langue, et qu'un mensonge pour la déshonorer, qu'il se fait bien des histoires dans le pays, et qu'on pourra me mettre dans quelqu'une de ces histoires. Es-tu bien résolu et déterminé à n'écouter rien de ce qu'on pourra te dire contre moi, à moins que tu ne l'aies vu de tes 2 yeux ? Et veux-tu jurer, si l'on te fait quelque rapport, quand ce rapport viendrait de ton père ou de ta mère, ou des personnes que tu respectes le plus, de me dire à moi avant toute chose, afin que je puisse me justifier et confondre le mensonge ? Je le jure. Et maintenant, Rose, nous sommes mariés pour la vie. Prends cet anneau d'or que j'ai acheté aujourd'hui pour toi, et si je manque à mon serment, que je meure. Je ne répéterai pas, madame, le reste de notre conversation. Nos parents même auraient pu l'écouter sans nous faire rougir. Et Bernard évita avec soin tout ce qui aurait pu me rappeler la faute que nous avions commise. Moi-même, je n'osais y faire la moindre allusion, par un sentiment de pudeur, que vous comprendrez aisément. Hélas, il était bien tard pour me garder. Le lendemain, Bernard partit avec les conscrits de sa classe et alla rejoindre son régiment. Dès qu'il fut parti, je me trouvai seul comme dans un désert. Je sentais que mes vrais malheurs allaient commencer.